Alors bonjour et bienvenue, ça me fait plaisir d'être de retour parmi vous aujourd'hui. Si vous voulez bien, on va commencer dans un mot de prière. Notre bon Père du ciel, je n'ai qu'une seule prière, que quelques mots. Guide-moi afin que je puisse communiquer ta vérité, ta parole, et parle au cœur de ceux qui écoutent ce message. Je veux qu'ils t'entendent, toi Seigneur, et non moi. Sois glorifié, Père. Amen. Alors, notre texte de ce matin, c'est encore dans Romains, chapitre 1. Romains, chapitre 1, versets 18 jusqu'à 20. Et on va aller un petit peu plus loin aujourd'hui. Je vous lis le texte. La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. Car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux, Dieu leur ayant fait connaître. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité, se voient comme à l'œil nu depuis la création du monde, quand on les considère dans ses ouvrages. Ils sont donc inexcusables. Et on parle ici de l'être humain. Ils sont donc inexcusables, les hommes. Alors, la question qu'on peut s'adresser, que je vous adresse aujourd'hui, c'est comment un homme peut-il être tenu responsable de ses péchés? Comment des gens qui n'ont jamais entendu parler du Dieu de la Bible peuvent-ils être tenus responsables? Puisqu'ils n'avaient pas l'Ancien ou le Nouveau Testament, comment alors la colère de Dieu peut-elle juste, peut-elle être méritée, puisqu'ils n'ont jamais entendu parler du Dieu de la Bible? Une partie de la réponse, je crois, se trouve au verset 19 qu'on vient de lire. Car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux, pour les êtres humains. Dieu leur ayant fait connaître. Donc, la première raison pourquoi la colère de Dieu, elle est juste, elle est méritée, c'est que, à cause de la révélation, Dieu s'est révélé, Dieu s'est fait connaître à l'être humain. Parce que la vérité de l'existence de Dieu a été donnée aux hommes. Dieu leur ayant fait connaître. Et quand on parle de connaissance, Dieu leur ayant fait connaître, on parle de la révélation naturelle, on ne parle pas des Écritures ici, là. Dieu s'est révélé à l'être humain par sa création. Les hommes peuvent connaître l'existence de Dieu parce qu'il s'est révélé à eux. L'être humain est donc sans excuse devant Dieu, parce que Dieu s'est révélé par le moyen de sa création. Et si la majorité des êtres humains, justement, n'ont jamais entendu parler du Dieu de la Bible, ils sont quand même sans excuse parce que le Dieu de la Bible s'est révélé à eux. Lorsqu'ils regardent autour d'eux, il y a la manifestation de ce Dieu-là. Il y a le témoignage de Dieu tout autour de nous. Parce que la nature témoigne de l'existence de Dieu. Comprenez ça. La nature témoigne de l'existence de Dieu. La création manifeste l'œuvre de ses mains. Connaissez-vous l'histoire de Helen Keller? Helen Keller, c'est une femme qui est muette, sourde et aveugle. Qui était, je devrais dire? Muette, sourde et aveugle. Muette et aveugle et sourde et muette dans le sens qu'elle n'avait jamais entendu parler, elle ne savait pas comment communiquer. Donc, aveugle depuis sa jeunesse, sourde depuis sa jeunesse, muette depuis sa jeunesse, sans aucune capacité de communication, sans aucune façon de communiquer à l'extérieur du monde, à l'extérieur de son cerveau jusqu'à un certain point. Jusqu'à ce que Mme Sullivan, Anne Sullivan, passe heure après heure, jour après jour, mois après mois, à tenter de briser le mur du silence afin de communiquer avec Mme Keller. Et lorsque ce fut le cas, parce que ce fut le cas, un jour, il y a eu connexion entre les deux. La façon qu'elle le faisait, je crois, j'ai vu des vidéos, et ce qu'elle mettait sa main, elle mettait la main de Mme Keller sur son visage. Et un jour, Madame Keller, à force de entendre ou de sentir la vibration, puis la mâchoire, tout ça, et les indications de Madame Sullivan, a compris le langage. Tranquillement, elle a compris, ils ont communiqué finalement l'un avec l'autre. Et lorsque justement la communication était possible entre les deux, Madame Sullivan a désiré parler de Dieu à Madame Keller. Et savez-vous, lorsqu'elle a tenté de lui communiquer, de lui parler de Dieu, savez-vous quelle a été la réponse de cette femme sourde, aveugle et muette? Elle lui a dit, « Je connaissais déjà Dieu. Je ne savais pas juste, je savais déjà que Dieu existait. Il y a juste son nom que je ne connaissais pas. » Intéressant, hein? Car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste, est évident pour l'être humain. Un très beau témoignage de Mme Keller qui nous prouve ça. Ce qu'on peut connaître de Dieu, parce qu'on ne peut pas tout connaître de Dieu par la nature, par la création. Hein? Ça prend une révélation spéciale comme la Bible pour entrer en relation, pour le connaître lui personnellement. Mais la nature nous parle de Dieu. Et ce qu'on peut connaître de Dieu, ça signifie tout ce qu'on peut connaître sans les Écritures, finalement. Le verset 20 nous dit, qu'est-ce qu'on peut connaître sans les Écritures? Qu'est-ce que la nature autour de nous nous raconte à propos de Dieu? Les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité. Verset 19, c'est manifeste, je disais, c'est évident pour l'être humain. Dieu leur ayant fait connaître. Dieu s'est révélé et on peut voir sa perfection invisible, sa puissance éternelle et sa divinité. Acte 14, 16 nous dit la même chose ici. C'est intéressant. Car Dieu, dans les âges passés, a laissé toutes les nations suivre leur propre voie. Verset 17, quoiqu'il n'ait cessé de rendre témoignage de ce qu'il est. Dieu n'a jamais cessé de rendre témoignage de qui il était. Et le verset, et ça continue, comment est-ce que Dieu, dans les âges passés, en laissant aller les êtres humains, n'a cessé de rendre témoignage de lui-même? Comment est-ce qu'il fait ça? Le texte nous dit, en faisant du bien, en vous dispensant du ciel les pluies et les saisons fertiles, en vous donnant la nourriture avec abondance et en remplissant vos cœurs de joie. Extraordinaire. Ça, c'est l'œuvre de Dieu. La pluie qui tombe sur nos têtes, qui fait pousser nos gazons. Les animaux qui grandissent, qui se multiplient. La joie dans nos cœurs. Le bien. Tout vient de Dieu. C'est Dieu qui nous fait du bien. En d'autres mots, les plaisirs de la vie nous parlent de la bonté de Dieu. Les plaisirs de la vie nous parlent, nous témoignent de la bonté de Dieu. Un autre texte dans Actes 17, verset 23. Car c'est Paul qui s'adresse à un peuple non-croyant. Il dit, « Car en parcourant votre ville et en considérant les objets de votre dévotion, j'ai même découvert un autel avec une inscription à un Dieu inconnu. Ce que vous vénérez sans le connaître, c'est ce que je vous annonce. Le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve, étant le Seigneur du ciel et de la terre, n'habite point des temples faits de mains d'hommes. Il n'est point servi par des mains humaines, comme s'il avait besoin de quoi que ce soit. Lui qui donne à tous la vie, la respiration et toutes choses. » Il a fait que tous les hommes sortis d'un seul sang habitaient sur toute la surface de la terre, ayant déterminé la durée des temps et les bornes de leur demeure. Il a voulu qu'ils cherchassent le Seigneur et qu'ils s'efforçassent de le trouver en tâtonnant, bien qu'il ne soit pas loin de chacun de nous. Vous savez qu'il existe, mais vous ne le connaissez pas. C'est justement, moi, Paul, je veux vous parler de ce Dieu. Ce Dieu-là, c'est le Dieu qui contrôle tout. C'est le Dieu Tout-Puissant. C'est votre Créateur. C'est lui que je viens vous annoncer. Verset 27 nous dit, « Il n'est pas bien loin de chacun de nous. » Donc, chaque personne, comprenez ça, chaque personne dans le monde, où est-ce qu'il soit, peu importe l'âge, peu importe le siècle où il a vécu, a ce témoignage autour de lui de l'existence de Dieu devant ses yeux. Laissez-moi vous donner quelques exemples. Comment est-ce que vous pouvez voir Dieu dans la création? Attention, je ne suis pas en train de dire que Dieu est à l'intérieur de la création. Non, Dieu est à part de sa création. La création, ce n'est pas Dieu. Mais je peux voir Dieu dans la création. Je peux voir l'œuvre de ses mains. Le psaume 94:9, pour commencer, je vais utiliser quelques versets de la Bible, je vais utiliser les choses autour de nous, sa création. Le psaume 94:9 nous dit « Celui qui a planté l'oreille n'entendrait-il pas? Celui qui a formé l'œil ne verrait-il pas? » Autrement dit, si nous pouvons entendre, alors celui qui nous a fait peut certainement entendre aussi, n'est-ce pas? Si nous pouvons voir, alors celui qui nous a fait peut certainement voir également. Donc, je peux vous dire que Dieu est un Dieu de beauté simplement en regardant la vie, simplement en regardant autour de moi. Je peux vous dire que Dieu est un Dieu bon parce qu'il y a de la bonté dans la vie, il y a de bonnes choses. Je peux vous dire que Dieu est un Dieu d'amour parce qu'il y a de l'amour autour de moi, dans ma vie. Je peux vous dire que Dieu est sage et intelligent simplement en regardant l'architecture de sa création. Verset 20 de toujours Romains 1 nous dit « Les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil nu. » C'est évident, c'est clair. Je vous donne un exemple. Donc, comment est-ce qu'on peut voir Dieu dans sa création? Et il y en a des millions, des milliards de façons de le voir. J'en ai quelques-uns. Savez-vous que certains oiseaux naviguent par les étoiles lorsqu'ils migrent? Et savez-vous que si vous élevez ces oiseaux dans un bâtiment fermé, sans fenêtre, à partir de l'œuf, autrement dit, ils vont éclore, et leur environnement qu'ils vont connaître toute leur vie, c'est, exemple, un hangar fermé. Et si vous prenez ces oiseaux-là, vous les élevez, vous nourrissez, tout ça, et que vous leur présentez un ciel étoilé, c'est-à-dire, exemple, ici à Montréal, il y a le planétarium. Si vous leur présentez un faux ciel comme ça, représentant un ciel à un endroit où est-ce que l'espèce de cet oiseau-là n'a jamais été, et vous leur présentez le ciel, savez-vous qu'ils vont se diriger immédiatement, instinctivement, dans la bonne direction? Vers où migrer? Où est-ce que leur espèce devrait s'en aller? Autrement dit, normalement, les oiseaux passent d'un endroit à un autre, c'est pas mal tout le temps la même chose. Vous prenez eux, vous les mettez dans un endroit qu'ils ne connaissent pas, qu'ils n'ont jamais vu le ciel, vous leur présentez un ciel où est-ce que leur espèce n'a normalement jamais vu, ils vont immédiatement s'orienter dans la bonne direction vers où migrer. Comment est-ce qu'ils savent ça? Comment est-ce qu'ils savent ça? Si Dieu n'existe pas. C'est un témoignage de l'existence de Dieu. Un autre exemple. Savez-vous qu'il y a un poisson qu'on appelle le poisson cracheur? Et il prend sa nourriture comme tous les autres poissons. Il ouvre la bouche, il mange. Mais ce poisson a la particularité extraordinaire, l'habilité de pouvoir projeter de l'eau à l'extérieur du lac, de la rivière, et de pouvoir atteindre une mouche. Et ce n'est pas un genre de crachat large, là. C'est quelque chose de très, très précis. Je l'ai vu à la télévision. C'est quelque chose de très précis qui va atteindre une mouche dans une branche, exemple. Ce n'est pas à 10 pieds dans les airs, là, tu sais, ça peut être un pied dans les airs, mais et la mouche est assommée, elle tombe, et le poisson le mange. Une habileté spéciale. Je vous dis, c'est évident que Dieu existe. Que penser de l'évaporation de l'eau? L'évaporation de l'eau. Dans les lacs et les rivières, l'eau monte dans le ciel, à contre-courant, si je peux m'exprimer ici, contre la gravité. Et elle va, s'en va dans le ciel et s'accumule dans des nuages pendant des fois de longues périodes de temps. Et elle est acheminée pour qu'il pleuve plus loin sur les terres. L'homme n'a aucune machine capable d'accomplir cela. Dieu en a une, on l'appelle le soleil. Chose extraordinaire, sa machine, le soleil, lorsque Dieu l'a créé à 150 millions de kilomètres de distance de la Terre. Et ce soleil-là nous fait bronzer, nous réchauffe, fait fondre la neige, fait évaporer les eaux pour qu'il y ait de la pluie sur nous. Et savez-vous que le soleil que Dieu a créé, il y a plusieurs milliers d'années, brûle 4 millions de tonnes de matière à la seconde. À la seconde! C'est inimaginable, c'est extraordinaire, les mots manquent, c'est incommensurable, c'est gigantesque comme chiffre, c'est astronomique. Et Dieu, en une journée, a créé les luminaires dans le ciel. Que la lumière soit, et la lumière fut. En une journée. C'est évident que Dieu existe. L'existence de Dieu transpire par toute la création. Si Dieu dit qu'il est visible dans sa création, c'est qu'il est visible. Nous pouvons voir sa puissance éternelle, nous pouvons voir sa divinité, ça vient de Dieu. Vous pouvez regarder la nature, que vous soyez un Africain, que vous soyez un Chinois, un Australien, un Égyptien, un Abitibien, et ce à tout moment de l'histoire jusqu'à aujourd'hui, et vous pouvez voir que Dieu est, qu'il y a une cause à cet univers, qu'il doit y avoir un architecte à cette architecture. C'est évident. Lorsque je regarde une statue, à quoi je pense? À celui qui a fait la statue, puis je dis, wow, il y a du talent, ça a pris du temps, c'est complexe, c'est bien fait. Je pense à l'architecte, là, au sculpteur. Lorsque je regarde une peinture, je ne m'imagine pas que la peinture s'est créée par elle-même. Je sais qu'il y a un peintre qui a mis plusieurs coups de pinceau pour former cette œuvre magistrale, cette belle œuvre qui me pousse à vouloir l'acheter des fois, à vouloir la voir ou simplement à la contempler tellement elle est belle, elle est bien faite. Imaginez maintenant la nature, les montagnes au haut sommet, aux neiges éternelles. C'est extraordinaire. J'ai déjà vécu à Victoria, Vancouver, et j'étais devant ces immenses montagnes aux neiges éternelles. Et je n'étais pas croyant dans le temps. Et j'étais impressionné par la majesté de ces montagnes. Je dis, wow, que c'est beau, que c'est extraordinaire. Et maintenant que je suis croyant, j'en donne gloire à Dieu. Et je dis, et quelqu'un un jour me fait remarquer, je regardais la nature, les arbres, tout ça, je dis, c'est tellement beau. Et il me dit, Patrick, tu trouves ça beau? Mais on est après la chute. Après la chute, il y a eu le déluge, et toute la terre a été transformée. Elle n'est plus belle comme elle était. Elle n'est plus l'ombre d'elle-même jusqu'à un certain point. Il y a les ronces, il y a les mauvaises herbes, tout ça. Qui sait comment que c'était avant? Ça devait être extraordinaire. Et déjà, ce qui a été détruit, je trouve ça beau, je vois. Wow. Dieu est grand, Dieu est là, Dieu est présent, c'est évident que Dieu existe. Je disais qu'en regardant une statue et qu'en regardant une peinture, je n'imagine pas que ça s'est créé par elle-même. Et c'est la même chose avec la nature. Je ne peux pas m'imaginer que ça s'est créé comme ça. Avec le temps, hein, il y a une cellule qui a décidé, soyons deux. Hein? Ben non. De penser que le monde s'est créé par lui-même, par un Big Bang, par hasard, par une catastrophe, c'est comme si je prenais une montre, ma montre, je la défaisais en morceaux, que je la mettais dans mes poches et que je mettais à sautiller juste pour faire aller mes pantalons jusqu'à ce que j'entende tic-tac. Ça n'a pas d'espèce d'allure. C'est illogique, c'est insensé de penser comme ça. Dieu existe, l'existence de Dieu est partout. Ça témoigne de l'existence de Dieu dans la nature. Donc oui, la nature me parle d'un créateur qui est puissant, qui est divin. C'est pourquoi la fin du verset 20 nous dit que l'être humain, l'homme, est sans excuse. Parce que toute personne sur la face de cette planète a expérimenté la bonté, la sagesse, l'amour, la puissance de Dieu à travers toute l'histoire humaine. L'être humain est donc inexcusable. Le psaume 53, 1 nous dit qu'il y a juste l'insensé pour dire que Dieu n'existe pas. Il faut être insensé pour dire ça. L'homme a eu et a encore l'opportunité de connaître Dieu, de connaître l'existence de Dieu par l'évidence de sa création. Dieu a laissé son empreinte partout. Et quand je pense à empreinte, je pense à des émissions à la télé comme CSI, comme Les Experts, comme je pense à un travail policier qui va rechercher des traces, des empreintes, des indices pour trouver un coupable ou trouver une solution. L'empreinte de Dieu est partout dans la nature. C'est évident. Si on regarde autour de nous, on ne peut pas échapper à ce constat. Dieu est là. On ne peut pas voir Dieu, mais on peut voir qu'il y a une intelligence derrière le chef-d'œuvre de la création. On peut voir que quelqu'un a organisé ça, que ça ne s'est pas fabriqué tout seul par hasard. Et lorsqu'on étudie notre environnement, on voit qu'il est ordonné également. En effet, tous les soirs, le soleil se couche. Et tous les matins, il y a le lever du soleil. L'univers est ordonné. Il y a la marée haute et il y a la marée basse. Et ce, chaque jour, sans exception depuis la création du monde. Parce que l'univers est ordonné. Le chaos n'engendre pas l'ordre, mes amis. Le chaos n'engendre pas l'ordre. Donc, ce que Paul est en train de dire, Dieu a fait en sorte que nous puissions le voir dans la création. Parce que la création nous révèle des choses au sujet de Dieu. On ne peut pas tout savoir, mais on voit son empreinte, je disais. On voit des traces. Qu'il y a un dessein intelligent. Qu'il y a un guide qui maintient l'ordre dans cet univers. Et que l'auteur de ce dessein, c'est Dieu. En d'autres mots, la création donne assez de lumière à l'être humain pour qu'il parvienne à voir l'existence de Dieu, à la connaissance de l'existence de Dieu. Mais l'homme a choisi d'ignorer ce fait, cette vérité, que quelqu'un est passé par là. C'est comme arriver dans la neige, puis voir qu'il y a déjà des traces. Puis je vois qu'il y a quelqu'un déjà passé par là. Puis là, on choisit d'ignorer ça, du non, il n'y a personne qui est allé là. Et l'implication, c'est vraiment que l'homme a rejeté cette vérité-là. C'est ce qu'il dit. Verset 20 nous dit que l'homme est sans excuse. L'homme est sans excuse. C'est pour ça pour laquelle que Dieu, la colère de Dieu se révèle. Alors la question, comment des gens peuvent-ils, qui n'ont pas entendu parler du Dieu de la Bible, peuvent-ils être tenus responsables? Première raison, à cause de la révélation qu'ils ont reçue. Dieu dit, je me suis révélé à eux par la nature, par la création. Deuxième raison, à cause du refus justement de l'être humain de recevoir cette révélation-là. Verset 21, car ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu. Ils ne lui ont point rendu grâce. La révélation, ça signifie simplement que Dieu s'est révélé, s'est fait connaître en tant que Dieu. Non par son nom, mais en tant que Dieu à travers sa création. Le rejet signifie que l'homme s'est détourné de cette révélation-là. Il a choisi de fermer les yeux. Lorsque l'homme trouve Dieu dans la création, il le rejette, il ferme les yeux, il dit « ça doit être quelque chose d'autre, ça doit être quelque chose d'autre ». Le docteur Barnhouse, un docteur en théologie, commente le verset 21 qui dit « car ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu, Ils ne lui ont point rendu grâce. Le Dr. Barnhouse commente ce verset-là d'une façon très originale, très imagée. Il dit, Dieu a donné à l'homme l'intelligence de forger le métal pour former un marteau et des clous, une tête de marteau et des clous. Et Dieu a fait pousser également des arbres et a donné à l'homme la capacité de couper ces arbres-là et de les sculpter. Et ainsi, l'homme forma un manche à ce marteau-là, à cette tête de marteau. Et lorsque l'homme a eu assemblé le marteau et les clous fabriqués, Dieu a tendu les mains. Mais l'homme, dans une démonstration de sa folie suprême, il a pris les clous pour les mettre dans les mains de son Créateur. L'homme est inexcusable. Ce qui aurait dû conduire l'homme vers Dieu a plutôt servi à le crucifier. Ce que Dieu a donné à l'homme comme évidence de son existence est cette même chose que l'homme a utilisée pour crucifier son Créateur. Folie. Folie. Si vous êtes un croyant, rendez grâce à Dieu. Rendez grâce à Dieu. Parce qu'on marchait autrement selon le train de ce monde. Nous suivions chacun notre propre voie. Et si Dieu ne s'était pas révélé à nous, on serait comme ça. Nous continuerions d'être comme ça. Verset 21, « Car ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu, ils ne lui ont point rendu grâce. » Savez-vous quel est le plus grand péché de l'univers, si je peux m'exprimer ainsi? Quel est le plus grand péché de l'univers? C'est de ne pas donner gloire à Dieu. De ne pas donner gloire à Dieu, simplement. Par-dessus toute chose, Dieu doit être glorifié. Dieu fait toute chose pour sa gloire, c'est son premier motif. Dieu fait toute chose pour sa gloire. Et c'est le cœur du problème de l'homme. Il refuse de donner gloire à Dieu. Le non-croyant, l'être irrégénéré, celui qui n'est pas né de nouveau, refuse de donner gloire à Dieu, de l'exalter, de l'honorer, de reconnaître sa majesté, sa divinité, sa puissance, sa bonté, son amour. Et lorsque l'homme ne reconnaît pas cette vérité, c'est un affront à Dieu. Dieu doit être glorifié. Je le répète, Dieu doit être glorifié. Le but de l'existence humaine peut être résumé dans ce verset. Quoi que vous fassiez, faites tout pour la gloire de Dieu. Quoi que vous fassiez, faites tout pour la gloire de Dieu. 1 Corinthiens 10, 31. C'est la raison pour laquelle vous et moi, nous respirons, pour la gloire de Dieu. Notre cœur s'est mis à battre un jour, pour une seule raison, pour Dieu, afin de le glorifier, afin de lui rendre gloire. Avez-vous déjà réfléchi à ça? 1 Corinthiens 16, 23 nous dit « Chantez à l'Éternel, vous tous les habitants de la terre, annoncez de jour en jour son salut. Racontez parmi les nations sa gloire, parmi les peuples ses merveilles. Car l'Éternel est grand et très digne de louange. Il est redoutable par-dessus tous les dieux. Car tous les dieux des peuples sont des idoles et l'Éternel a fait les cieux. La majesté et la splendeur sont devant sa face. La force et la joie sont dans sa demeure. Famille des peuples, rendez à l'Éternel gloire et honneur. Rendez à l'Éternel gloire pour son nom. » En fait, tout ce qui a été créé l'a été pour la gloire de Dieu, même la création. Les cieux, le psaume 19, verset 2 nous dit quoi? Les cieux racontent la gloire de Dieu, n'est-ce pas? Ésaïe 43, 20 nous dit que les bêtes des champs me glorifieront. Dieu fait tout fait pour sa gloire. Les animaux, font simplement ce pourquoi Dieu les a créés. Ils manifestent l'œuvre majestueuse de ses mains. Ils glorifient Dieu par leur diversité. Les fleurs fleurissent, les papillons papillonnent. Toute la création fait ce pourquoi elle a été créée. Mais dans cette création, il y a l'être humain. L'être humain qui rejette, qui se rebelle, qui refuse de donner gloire à Dieu. Mais l'évidence est là tout autour de lui. L'évidence est là tout autour de toi, de l'existence, de la preuve de l'existence de Dieu. Pourquoi Dieu juge-t-il les hommes? Parce qu'ils ont rejeté sa gloire. Ils ont rejeté sa gloire. Ils ont refusé de lui rendre grâce. Lorsque Paul nous dit qu'ils ont connu Dieu, il ne parle pas de leur salut. Il n'est pas en train de dire qu'ils ont une relation personnelle avec Dieu. Non. Il dit qu'ils ont compris que c'est Dieu qui avait créé le monde et ils ont refusé de lui rendre gloire. Matthieu 5, 45 nous dit « Dieu fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons. » Témoignage de son existence. « Il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et il fait pleuvoir sur les justes et les injustes. » L'évidence est là. L'être humain est sans excuse. Dieu donne la vie aux hommes. Il donne tout le nécessaire pour qu'ils puissent vivre et jouir de la vie. Or, les gens, ce qu'ils font, c'est qu'ils prennent le bon de Dieu, mais qu'ils maudissent celui qui leur donne ces bienfaits-là, ces bonnes choses-là. Ils ne glorifient pas Dieu pour ses bienfaits. Glorifier, ça veut dire quoi? Ça veut dire honorer, louer, adorer, lui donner le crédit, lui rendre grâce pour ce qu'il a fait, pour ce qu'il est. C'est la réaction juste envers notre Dieu. La gratitude, la reconnaissance. Nous pouvons donc voir la puissance de Dieu. Nous pouvons voir la nature divine de Dieu à l'œil nu, comme nous dit le texte. L'homme a l'opportunité de connaître qu'il y a un Dieu par l'empreinte laissée par ce dernier dans sa création. C'est évident. Ça se voit comme à l'œil nu. Écoutez, Dieu juge avec justice. Dieu juge avec justice. L'homme n'a pas d'excuse et toi non plus, tu n'as pas d'excuse pour ne pas croire en l'existence de Dieu. Parce que l'évidence, elle est là, tout autour de toi. Comment échapperais-tu à un si grand salut si tu négliges les évidences de son existence? Si tu ne crois même pas à l'existence de Dieu, comment Dieu peut-il te sauver? Romains 1, 18, si on revient un peu en arrière, nous dit « La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes. » La Bible dit que le seul chemin vers Dieu, c'est Jésus-Christ. Et Dieu t'offre encore aujourd'hui cette opportunité, encore une fois, de t'abandonner à lui et de lui rendre gloire. Si tu écoutes ce message aujourd'hui, et que tu reconnais que tu ne connais pas Dieu, que tu reconnais que jusqu'à présent, tu as nié l'existence de Dieu, mais que tu veux te rétracter, que tu veux dire, oui, je crois à ton existence, je reconnais les évidences autour de moi. Je t'invite à prier avec moi, à lui ouvrir ton cœur, à confesser Jésus-Christ comme ton Seigneur. Crois à l'Évangile, crois à la bonne nouvelle de Jésus-Christ qui est venu dans ce monde, qui est mort, qui est ressuscité, afin que tes péchés soient effacés. Jésus a payé le prix de ta dette. Jésus a subi la colère de Dieu à ta place. Il a été ton substitut, il a pris ta place. Et maintenant, qu'est-ce que tu veux lui dire? Je veux vivre pour toi. Je veux maintenant vivre pour ta gloire. Je reconnais que tu es Dieu. Je reconnais que tu es le créateur du monde. Je reconnais que j'ai été créé pour toi. Prends ma vie, Seigneur. Prends ma vie. Je t'appartiens. Prions. Bon Père du ciel, je reconnais que les évidences de ton existence sont là tout autour de moi. Et un jour, tu t'es révélé à moi afin que je puisse y croire. Je prie pour ces gens qui écoutent, qui vont écouter un jour ce message et qui vont avoir à faire un choix. tout comme Pilate un jour a eu à faire un choix. Que ferais-je de Jésus-Christ, de cet homme qu'on appelle Jésus? Je prie, Seigneur, que tu attires leur cœur, que tu brises leur orgueil, le cœur de pierre, et que tu le transformes, que tu l'échanges pour un cœur de chair, afin qu'ils croient à cette bonne nouvelle. Touche les cœurs, Seigneur, par cette parole, par ce message, par ta parole, Seigneur, et sois-en glorifié. Amen. Alors, si vous avez aimé ce message, je vous invite à le réécouter. Je vous invite à réécouter les messages précédents, l'Épître aux Romains ou d'autres, et ceux qui vont venir, parce que la colère de Dieu se révèle contre le péché, contre toute injustice des hommes. Et cette mauvaise nouvelle-là, elle continue. Elle n'est pas terminée. Rappelez-vous, il faut la mauvaise nouvelle avant la bonne nouvelle. Elle est à venir, la bonne nouvelle. Et j'invite à persévérer, à écouter ces messages. Bonne semaine et que Dieu vous bénisse.